Stephen King aime les familles soudées, Stephen King aime les microclimats, Stephen King a écrit Brume et Christian Thorpe l'a adapté. Et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris, comment vas-tu ? Mieux. Mieux, effectivement. C'est vrai que tu as été un peu malade. Un peu. J'ai signalé que ça avait dû décaler l'enregistrement. C'est ça, mais il faut savoir reprendre, remonter en selle, comme on dit. Oui. Alors, sachant que cet épisode va peut-être arriver encore un peu plus tard, bon, je suis pas sûr que je puisse le monter avec mon déménagement. Oui. Donc, Les soucis. Les déconvenues. S'accumule. Et d'ailleurs, pour la première fois, on n'enregistre pas chez moi un vidéoclub. C'était mais jamais arrivé. Il y avait déjà eu à distance avec toi chez oui, toi, mais jamais. J'ai déjà eu la distancielle à cause du. Pas du Covid, du confinement, enfin donc du Covid, mais oui. Pas parce que quelqu'un était malade. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on est, qu'aucun de nous deux n'est chez moi. Voilà. Et donc, du coup, le précédent épisode sera le dernier enregistré chez toi actuellement. Eh ben du coup, oui, parce que le prochain sera, je sais pas si ce sera de nouveau ici ou dans mon nouvel appart, mais en tout cas, effectivement, ce ne sera plus dans celui où j'étais, où je suis encore actuellement. Voilà. Tant qu'on est dans les nouveautés, comme je le signalais à Chris en off, je réfléchis à lancer un procès au youtubeur Sébastien Racia et Karine Debache pour nous avoir honteusement plagié en parlant de Maximum Overdrive, hein. En plus, ils disent exactement la même chose. J'ai écouté le début, comme par hasard, chez eux aussi, le film il a été réalisé par Stephen King. Ils n'ont même pas cherché. Un peu d'originalité. Oui, ils auraient pu lire Maximum Overdrive par Orson Welles, tu vois. Ça aurait été une nouvelle approche, mais non, même pas. Même pas. C'est assez décevant, venant de grands noms du YouTube comme ça. Bon, et puis, ça s'attaque au petit, c'est toujours comme ça. Hein. Bah, c'est ça. C'est... Et puis, nous, on est tout petit, tout silencieux comparé à. Ouais. Alors, enfin, voix voilà. Qui porte. On fera une pétition, j'espère que vous la signerez tous et toutes. Hein. Donc pour ce podcast, plein de nouveautés. Nous allons parler de The Mist, la série. Ce qui n'est pas très nouveau, parce qu'on a déjà abordé The Mist une première fois. Voilà, on a abordé le film de Frank Darabont. Donc pour tout ce qui concerne la longue nouvelle, je vous renvoie à cet épisode-là. Pour résumer, c'est une nouvelle que toi tu trouves assez sympathique, oui. Moi un peu moins, parce que je trouve qu'elle tourne dans beaucoup de clichés dont je suis pas forcément fan, mais voilà, c'est ni désastreux ni glorieux pour aucun de nous deux. Voilà, c'est ça. Mais grosso modo, on a dit la même chose du film, où là pareil, toi tu le préfères à moi. Oui, mais clairement, par contre, oui. De manière assez nette, on avait eu du mal à le classer. Et donc je propose qu'on se lance tout de suite dans la série, comme l'intrigue est assez différente sur pas mal de points, on va la spoiler, donc je préfère prévenir, voilà. Et sinon c'est parti. Allons-y. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je me suis réveillé dans la montagne et je me souvenais même pas de mon nom. On va verrouiller les portes! C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Je resterai pas un jour de plus. Faut qu'on se barre vite! Je pense que le jugement dernier est arrivé. Ça n'existe pas, tout ça. Pointe de flèche, est-ce que vous me recevez à vous? Quel genre d'impression qu'elle me connaissait. T'as rien entendu? Voilà ce que ça fait. Ça fout un gros merdier dans ta tête. Ça ne peut plus durer, la nature nous distingue. Il y a quelque chose dans la brume. Donc, The Mist se passe dans la ville de Bridgeville, dans le Maine. Une brume mystérieuse descend sur la ville et les gens qui y entrent ont une fâcheuse tendance à mourir. On va suivre plusieurs groupes, principalement tournant autour de la famille Copland, donc un père, sa femme et sa fille, qui vont se retrouver éparpillés dans différents endroits de la ville, et on va suivre différents groupes et différents lieux isolés face à la brume. On découvre assez vite que c'est un truc lié à l'armée sans avoir forcément beaucoup plus d'informations. La boîte de production, c'est Dimension Television, donc évidemment une filiale de Dimension Films, donc une filiale de Miramax, donc liée aux Weinstein, qui sont producteurs d'ailleurs sur la série. Oui. D'ailleurs, c'est un des derniers trucs qu'a produit Miramax avant qu'il y ait l'explosion des révélations autour des agressions sexuelles et viols et toutes les saloperies de Harvey Weinstein, puisque la série, elle est diffusée en août 2017 et le scandale Weinstein éclate en octobre 2017. Donc on peut considérer ça comme un chant du cygne du Miramax des Weinstein. La compagnie à la télévision, elle est quand même beaucoup moins active qu'au cinéma. Hein. En dehors de Myst, elle a surtout produit en fait deux séries qui surfent sur des licences de films assez lucratives qu'elles avaient, à savoir Spy Kids. Pareil que c'est lucratif. Oui, pareil. Moi, je n'ai vu que le premier, ça m'a largement suffi. Je crois que c'est pareil. Par curiosité malsaine, j'ai presque envie de voir les autres, mais voilà. Et la série Scream, c'est vous aussi, alors je l'ai pas vu. J'avais commencé, c'était pas mauvais, c'était surtout par manque de temps que j'ai pas continué. C'était par rapport au dernier film que t'as vu aussi, tu dirais que c'était mieux ou... C'était mieux parce que ça avait une approche pour le coup différente, puisque du coup une approche plus sériale. Puisque concrètement le dernier film n'apporte vraiment rien du tout à la franchise. Non. Alors que moi, cette série-là a ce mérite-là, et du coup de plonger un peu plus dans la confrontation entre comparaison cinématographique et ce qui se passe à l'intérieur même de l'histoire. D'accord. Bon, moi, je l'attendrai peut-être. Parce que là, on y suit, parce qu'il me semble que c'est le cas dans aucun film, dans la série télé, on suit directement des étudiants en cinéma. Donc du coup, qui font un parallèle entre les événements qui se produisent, les crimes et la manière dont sont faits les thrillers et tout. Alors que je me rappelle, parce que dans le premier, non, effectivement, ils ne sont pas directement étudiants en cinéma. Il y a un ciné-club, mais oui, voilà. Dans le deux, c'est des en fans théâtre. Cinéma. Il me semble que c'est que toujours des fans de cinéma. J'ai un doute sur le 3 quand même. Hein. Sur le 3, il se passe dans des studios. Il y a potentiellement vraiment des gens qui pratiquent le cinéma dans le 3. Je t'avoue que le 3 étant celui qui m'a le moins marqué de toute la saga. Il est pas si nul que ça, pourtant. Non, c'est pas ce que je dis. Hein. Ouais, ça peut peut-être être un truc à tenter. Ça m'emballe limite plus que Scream 6. Qui est prévu pour l'année prochaine, je crois. Ouais, c'est déjà tourné. Hein. Mmh. Ouais. Mais il y aura même si le fait qu'il n'y ait plus... qu'il n'y ait plus l'actrice principale, j'ai oublié le nom de son perso. Mais ça a peut-être relancé aussi quand même la saga. Mais... C'est clair, c'est pas clair qui porte le nom de son personnage ? Je crois pas, non. Ou alors, non, ça, je confonds avec une autre saga. Mm. Bref. Enfin bon, on verra bien. Le showrunner et créateur de la série qui est contacté par Miramax pour le faire, c'est Christian Torp, qui est un scénariste danois, pas mal actif à la télévision danoise, dans une série apparemment un peu populaire qui s'appelle Rita. Mais du coup que je ne connais pas. Je m'y connais déjà pas en série télé de manière générale, alors les séries télé danoises, voilà, faut quand même pas trop m'en demander. Je connais pas non plus. Il a aussi scénarisé un film appelé Silent Heart, et il a scénarisé le remake américain de ce film, que pour le coup je connais de nom, c'est Blackbird, avec Sam Neill et Suzanne Sarandon. D'accord. Ça avait fait un peu parler de lui, Blackbird. Oui, effectivement. Il a été contacté donc directement par les Weinstein et choisi après avoir présenté le scénario du pilote, d'après lui, très proche de ce qui a finalement été tourné. En partie à cause de la longueur de la nouvelle, qui fait 200 pages en édition poche, mais évidemment, faire une série à partir de ça, c'est compliqué. Ils étaient obligés de rajouter les choses. Mais le réalisateur dit, enfin Christian Thorpe dit aussi que c'était parce qu'il voulait s'éloigner du film de Darabon qui n'était pas si vieux que ça à l'époque, il avait 10 ans. Il est toujours pas si vieux que ça d'ailleurs. Oui, effectivement. Et il avait quand même pas mal marqué les esprits, effectivement, s'il avait fait une adaptation très fidèle de Brume, on n'aurait pas vu l'intérêt de faire ça 10 ans après le film de Darabon. Oui. Donc il a eu une approche en prenant pas mal de liberté, plutôt que de reprendre précisément des éléments, il s'inspire de différentes idées, il garde des ponts avec le récit d'origine, des noms de personnages, des idées de personnages, des idées de points d'intrigue, mais en les traitant différemment. Donc on va retrouver la présence des militaires et du projet Tête de Flèche, la religion qui devient meurtrière, la famille séparée, le commerce, alors c'est une petite supérette dans la nouvelle, là ça devient un grand centre commercial, mais il y a quand même cette idée-là. Oui. Lui, il parle, pour dire ça, d'approche à la Fargo, la série Fargo, qui apparemment a plus ou moins la même approche par rapport au film des frères Cohen. À la base, c'est un réalisateur, enfin un showrunner plutôt habitué aux comédies dramatiques dans ses œuvres danoises, donc c'était un peu nouveau pour lui de se frotter à l'horreur, et c'est pour ça, selon lui, que dans le pilote, donc le premier épisode, il y a pas mal de touches d'humour qui, pour le coup, vont quand même à peu près totalement disparaître très rapidement. Un des thèmes qu'il a voulu développer parce qu'il le trouvait très contemporain, c'était celui de la radicalisation, et pas juste au sens religieux. Et en effet, en fait, pas mal de personnages de la série vont se radicaliser dans un sens ou dans l'autre. Le père, il va se radicaliser dans l'aspect protecteur, il va y avoir une radicalisation des accusations dans le centre commercial. Et effectivement, il va y avoir la religion dans l'église sous différentes formes, mais il voulait traiter de plusieurs radicalisations différentes. À la limite, thématiquement, je vois la cohérence. Je dis pas que c'est super bien fait, mais elle est là. Oui, c'est le traitement qui est... On en parlera, mais qui est pas très bien amené, souvent. Et, anecdote rigolote, dans une interview pour Collider, on l'interrogeait sur la principale différence entre travailler au Danemark et travailler aux États-Unis, et sa réponse, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de réunions, et que c'est chiant, ça fait perdre un temps considérable, selon lui. Voilà. Au scénario, il n'a pas tout fait tout seul, il est accompagné par Amanda Segel, qui est une productrice et scénariste sur des séries comme The Good Wife, Persons of Interest, Nikita, FBI Portée Disparue, voilà. Ouais. Donc. Série procédurale. Oui, c'est ça, principalement. Nikita, c'était procédurale. Oui, c'était très un épisode, une histoire avec un fil rouge quand même sur la longueur, mais... Il y avait beaucoup d'épisodes qui se tenaient à une semaine, un épisode, une histoire. Quoi. D'accord. Moi, en même temps, oui, je vois comment on peut faire ça avec Nikita. Et elle est rattachée à un des 150 projets de séries dérivées de Game of Thrones à venir, peut-être. Voilà. En scénariste, il y a aussi Andrew Wilder, qui a surtout travaillé sur Esprit criminel en dehors de ça. Peter Biggin, qui a travaillé sur pas grand-chose d'autre, je crois. Et Noah Griffiths et Daniel Stewart, qui tous les deux ont travaillé sur Sweet Tooth et Swamp Thing, deux séries dont je me dis que potentiellement tu les as vues. Les adaptations de comics DC, les deux en plus. Ouais. Enfin, Sweet Tooth, oui, c'est DC, je crois. J'ai vu aucune des deux séries. D'accord. Mais les comics sont bons. Sweet Tooth, c'est par Sean Murphy, non? Non, c'est Jeff Lemire. Ah, c'est Lemire. Sweet D'accord. Tooth, c'est du jour au lendemain, les... Certaines femmes donnent naissance à des hybrides hommes-animaux. Ouais, non, mais je voyais ce que c'était, mais j'étais persuadé que c'était Murphy. Non, non, c'est Jeff Lemire au scénario et au dessin. Bon, un autre très très... Oui, un autre très très, très, bon, très, très, très, bon, très, très bon auteur. Très très bon nom, oui. Et Sweet Tooth, il me semble que ça a été annulé au bout d'une saison. Je crois, après, c'est encore assez récent, donc d'ici que ce soit sauvé, c'est pas impossible. Et sur un film, c'est pareil, ça a été annulé après une seule saison. D'accord. Alors que pour le coup, pareil, les retours sur Swamp Thing étaient plutôt bons. Sur la série télé. Swamp Thing, c'est vraiment un qui me tenterait de lire, surtout tout le run de Alan Moore. De Moore, ouais. Et les deux derniers scénaristes qui n'ont pas fait forcément grand-chose d'autre à côté, c'est Peter McManus et Daniel Talbot. Oui, ils sont 150 sur une série de 10 épisodes. C'est souvent le cas, hein. Les séries télé, mais surtout américaine. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas avec les séries limitées, mais en même temps, c'est vrai que c'était pas fait pour l'être à la base. Donc ça explique. Oui, normalement ça aurait dû continuer. La chaîne de diffusion originale, c'est Spike. C'est elle qui avait commandé le pilote Et en fait, c'était une reprise dans les séries originales, alors que pendant une longue période, c'était une chaîne qui avait diffusé principalement des trucs sportifs, surtout du catch. Maintenant, c'est une chaîne qui s'appelle Paramount Network, et de manière un peu rigolote quand même, parce qu'elle avait encore un autre nom au départ, et elle a pris le nom Spike en 2003 comme chaîne, et à l'époque, il y avait Spike Lee, qui avait fait un procès à la chaîne, parce qu'il avait peur qu'on associe en fait la chaîne à lui, à cause du nom, et il avait été rejoint dans le procès par le fils de Spike Jones. Voilà. Alors que moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Spike, je pense que c'est une chaîne dédiée à la rediffusion de Cowboy Bebop, tu vois. Ah oui, effectivement. Voilà. Chacun a ses références. Mais non, non, ils ont rien diffusé d'aussi glorieux que ça. Enfin, c'était peut-être très bien ce qu'ils faisaient en catch, j'en sais rien. Mais en série, c'est eux qui ont fait la série Blade de David S. Goyer en 2006. Qui est apparemment catastrophique. Bah ouais, c'est ce que j'en sais. En même temps, David S. Goyer, vu ce que je connais lui. Et il est pas très très bon. Par contre, regardez les deux premiers films Blade, surtout celui de Del Toro, c'est vraiment très très bien. Le premier a pris un petit coup de vieux, mais ouais, il reste quand même très honnête. Hein. Ça reste une vraiment bonne série B, très brutale hein, en réalité, Blade. Bah, le premier même est peut-être plus brutal que celui de Del Toro. Oui, parce que l'approche de la violence de Del Toro est assez différente. Ouais. Je me souviendrai toujours de ce passage, l'espèce de gros vampire obèse là, qui prend quasiment tout l'écran quand il est filmé. Oui. Le passage où il le crame au rayon UV, c'est particulièrement dégueulasse. Hein. Mm-hmm. Après Del Toro, c'est vrai qu'il y a rarement plus d'une scène des fois très très brutale dans ses films, mais c'est pas un réalisateur excessivement violent dans tous les cas. Oui, voilà. À part certains moments où, il se défoule. Là. Mais voilà. Au casting, dans le rôle de Kevin Copeland, donc le père de famille, un des trois principaux personnages qu'on va suivre, on a Morgan Spector, un acteur assez... enfin, qui a une bonne carrière au théâtre, donc qui forcément ne s'est pas exporté en France. Mais il est dans la saison 7 de Homeland, apparemment avec un rôle plutôt important, et il apparaît aussi dans Persons of Interest, par exemple. Mais voilà, le plus gros de sa carrière, c'est quand même le théâtre. D'accord. C'est pour ça que sa tête me revenait pas spécialement. Mmh. Oh ben, y a pas beaucoup de têtes qui me revenaient hein, dans le cast, on va pas se mentir. Sa femme, Eve Copeland, est jouée par Alyssa Sutherland, une actrice australienne qui avait débuté comme mannequin et qui regrette d'avoir eu ce début de carrière. Ah. Bah, à cause de tous les stéréotypes physiques que véhicule le mannequinat. Oui. Voilà. Son rôle le plus marquant actuellement, c'est dans la série Viking, où elle a un rôle important. Oui, c'est de là que je la connais. Ouais, alors mais du coup, comme j'ai pas vu Viking, forcément. Et l'année prochaine, elle sera dans le nouveau film Evil Dead. D'accord. Elle a le rôle principal. D'accord. C'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Ça, pour le coup. Écoute, pourquoi pas. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui, le dernier remake en date par le réalisateur espagnol... Félix Alvarez, c'est voilà. Ça. Moi, je fais partie des rares qui avaient trouvé que c'était pas forcément un mauvais film, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était loin d'être la bouse que beaucoup disent. Ben, j'avais pas du tout aimé la première fois, mais c'est vrai que je l'ai réévalué quand je l'ai revu, celui-là. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Après, j'avais aussi beaucoup aimé, pour le coup, la série télé. Ah, je l'ai pas vu, mais ça, oui, rien que pour le cast, elle me tente un peu. Et puis là, Ash vs Evil Dead, tu sens au visionnage que c'est... déjà que Sam Raimi supervise un petit peu, même si c'est que de loin, mais tu sens que c'est fait par des mecs qui ont vu le film et qui aiment cette ambiance-là. J'ai téléchargé le jeu Evil Dead, d'ailleurs, qu'il faut que je tente. Ah oui, où tu es pour... Enfin, oui, oui, l'espèce de survival où, en multi. Ouais, c'est ça, il était gratuit pendant une période sur je sais plus quoi, et du coup, je l'ai pris... Paraît-il qu'il est pas trop mal, ouais. Ouais. Alex Copeland, donc la fille, est jouée par Gus Burney. C'était son premier rôle important et depuis, elle tourne de manière régulière. Elle recommence à avoir des rôles un peu de premier plan, surtout à la télé, bah, dont dans une série qui s'appelle Dickinson, où elle a un rôle important, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Donc, d'accord. Donc, voilà. On lui souhaite une bonne carrière. Parce qu'on n'est pas méchant. Voilà, c'est ça. C'est pas de sa faute. Celle qui joue la militaire, elle est jouée par Danica Kursik, une actrice danoise qui avait déjà travaillé avec Thorpe sur Silent Heart, Et alors, je l'aurais pas reconnue, mais elle est dans le deuxième film des enquêtes du département V. D'accord. Voilà. Effectivement. Bon, on a déjà parlé des enquêtes du département V, mais du coup, on reconseille, c'est des très bons polars. Oui, c'est une bonne saga de films. Et elle est aussi sur deux séries Netflix appelées Equinox et Octobre, deux séries danoises que je n'ai pas vues. Moi non plus. Et vu que c'est des séries Netflix, ça a probablement été annulé après la première saison. Oh, comme tu veux. Comme tu y vas, mais c'est fort possible. La vieille religieuse, enfin, on va dire religion de la nature. Donc attention, pas madame... Pas madame Carmody, qui elle meurt très rapidement dans la version série. Là, on n'est pas sur la religion catholique, on est sur une religion animiste, on peut dire, un peu. Oui, c'est très plus, contact avec la nature. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus spirituel que réellement religieux comme on l'entend habituellement. Quoi. Alors après, la conclusion, c'est quand même de tuer des gens. Hein. Oui. Mais parce que ça, sinon, c'est pas drôle. Oui. Elle est jouée par Frances Conroy. Alors, elle, pour le coup, je la connaissais, mais encore une fois, comme je suis pas physionomiste et que quand même pas mal d'années ont passé, c'est Ruth, la mère de famille, dans Six Feet Under. Mm. Donc, évidemment, elle est dans toutes les saisons. Dernièrement, elle a joué la mère du Joker dans le film avec Joaquin Phoenix. Ah, mais oui, exact. D'accord. Et elle a joué dans Catwoman aussi. Avec Halle Berry. Catwoman de Pitoff. Il y en a eu qu'un. Catwoman est apparue dans plusieurs films, mais centré sur elle, il n'y a pas eu autre chose. C'est vrai, malheureusement. Voilà. Et c'est une actrice qui est toujours très active. Alors, elle était très active au théâtre jusqu'en 2010, mais elle a arrêté, ce qu'on peut comprendre, parce qu'elle est plutôt jeune et la scène, ça doit quand même sacrément fatiguer. Mais elle est toujours très active à la télé. Et on la reverra si on traite de Castle Rock, même si elle a qu'un tout petit rôle dedans, elle y est. Le militaire, il est joué, Brian Hunt est joué par Okezier Moreau, je ne sais pas comment ça se prononce, je l'ai probablement totalement écorché. Bon, à part ça, il a joué dans une série appelée Suga, mais c'est son seul autre crédit un peu important, donc on ne va pas insister dessus. Jay, c'est le quarterback de baseball, oui. Celui qui est accusé de viol, est joué par Luke Cosgrove. Son père, le flic, est joué par Darren Petty, qui est un acteur assez récurrent à la télévision, mais dans des seconds rôles. Oui. Et le jeune homme meilleur ami d'Alex, qui accompagne surtout le père, est joué par Russell Posner, que lui, on reverra dans un épisode de Castle Rock. Ah. Un. Donc je sais même pas si on le mentionnera, en fait, quand on fera Castle Rock, mais bien. D'accord. Le directeur photo n'a pas une énorme carrière non plus, il est à la télévision, il s'appelle André Piénard. La série est tournée en Nouvelle-Écosse, donc au Canada. Et j'ai pas plus d'informations sur le tournage, comme c'est une série qui a été annulée au bout d'une saison, forcément c'est assez... Oui, même de 10 épisodes, c'est même pas une saison complète. Si, je crois que la saison était considérée comme terminée. D'accord, c'était pas une saison de 20 épisodes. Je ne crois pas, non, pour le coup. La musique, elle est de Giona Ostinelli, co-compositeur avec Sonia Belousova de la saison 1 de The Witcher, mais il n'est pas sur les saisons suivantes. Et il est sur pas mal de films plutôt indés, plutôt pas connus. Il a probablement rédigé lui-même sa fiche Wikipédia, étant donné qu'elle parle en long, en large et en travers de plein de films que personne n'a vus, en disant à quel point ils sont révolutionnaires. Et il y a des grosses citations en russe dans sa fiche Wikipédia, qui est globalement un bordel sans nom et interminable. Que j'ai d'autant plus pas creusé que la musique de The Mist, elle est quand même plutôt pas bien. Et très répétitive, d'une part, et c'est des pistes d'ambiance qui se dégagent jamais. C'est pas aidé par le fait qu'il n'y a pas vraiment de générique de début, enfin c'est un truc qui dure 10 secondes, donc il n'y a pas possibilité d'installer un thème mémorable là-dessus. C'est plus comme on appelle un carton qu'un véritable générique, quoi. Voilà, mais donc il n'y a rien qui se dégage, je trouve, de cette BO. C'est marrant, parce que du coup, en acting, tu as passé un personnage qu'on connaît en plus, toi et moi, dans une série qu'on a beaucoup aimée, et qu'on a déjà croisé dans ce podcast-là, le directeur du centre commercial, Ishaya Whitelock, qui joue l'un des flics dans The Wire. Ah, effectivement, j'avais oublié de le noter, parce qu'en plus, j'avais lu l'info, j'ai juste oublié de le noter. Et on l'a déjà vu, parce qu'il fait une toute petite apparition dans la chambre 1408. Effectivement, ouais. Ouais, Martin. C'était juste pour mentionner ça et c'était pour parler une fois plus de The Wire. Oui, bah, ça, on ne conseillera jamais assez The Wire, hein, de toute façon. Attends, dans The Wire, il joue là un flic ou il joue le maire, je sais plus. Ah, je sais plus ce qu'il joue. Mais en tout cas, il a un rôle récurrent dans The Wire. Il apparaît tout au long de la série. Donc effectivement, nouveau conseil de The Wire, regardez plutôt The Wire, il y a plus de saisons que The Mist, mais vous vous amuserez plus, donc vous êtes gagnant au final. Il y a plus de scénario aussi. Aussi, ouais. D'après Christian Thorpe, King a beaucoup aimé le pilote quand il l'a lu. On n'a pas d'informations sur est-ce qu'il l'avait vu, mais en tout cas, King soutenait totalement le fait d'apporter des changements en disant que oui, bah là, évidemment, pour faire une série à partir de The Mist, il va falloir changer. Mais par contre, j'ai pas trouvé d'avis de King suite à la diffusion de la série. Elle est annulée très très peu de temps après la diffusion de sa première saison, et elle arrive sur Netflix en France et dans plusieurs autres pays dès la fin de la diffusion américaine. Elle est présentée comme une série originale Netflix d'ailleurs, oui, parce qu'elle a été diffusée dans certains pays en privé, à priorité sur Netflix. Mais là vraiment j'ai du mal avec le choix de cette appellation quand ça a été diffusé avant sur une autre chaîne. Il ne faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde, mais bon. Oui, en fait, ils mettent cette appellation-là uniquement quand c'est eux qui ont l'exclusivité, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, t'aimes pas, parce que t'aimes pas l'univers Breaking Bad, mais Better Call Saul, c'est affiché original Netflix, quoi. D'accord. Alors que non, pareil, pas du tout. Oui, non, pas du tout. C'est une série AMC, quoi, comme Breaking Bad à l'époque. Oui, puis ça, pour le coup, ils vont pas lâcher le bébé AMC. Bah non. Au niveau des notations, elle a actuellement 2,9 étoiles sur Allociné, ce qui la place 21e, à égalité avec 1408 et Darkseid, les contes de la nuit noire, et 60% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 17e entre ça, chapitre 2, et Cimetière, la version de 2019. Les retours dans l'ensemble que j'ai lu de critiques disant que ouais, c'est cliché, mais à la limite, ça marche un peu. Si quelqu'un met en danger le groupe, alors le groupe le jette dehors. Mais ce serait criminel ? Non, ce serait de la légitime défense. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Il semble qu'on ait besoin de fixer des règles de conduite. Hors de question que j'obéisse à une règle de ce mec-là. Si vous partez, je voudrais venir avec vous. Pourquoi ? Ça m'étonnerait que ça finisse bien. Surtout pour quelqu'un comme moi. Venez, on va se préparer. On peut venir, nous aussi ? Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Attendez un peu. Mais vous allez où, là ? On déménage. Non, attendez. Il faut qu'on reste tous ensemble. Pourquoi faire des règles si elles s'appliquent pas à tout le monde ? S'il vous plaît, écoutez, c'est pour qu'on soit tous en sécurité. Tous, vous êtes sûrs ? Vous êtes vraiment parano, hein ? Alex, dis-lui que je t'ai rien fait. T'approches pas d'elle ! Doucement. Tu vas lui foutre la paix ! Dis-lui que je t'ai rien fait. Reste avec nous, c'est la démocratie. J'ai toujours été une anarchiste. Eve, tout ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien entre nous. Bon, d'accord. Ok. Si vous voulez partir, allez-y. Mais c'est pas la peine de venir nous voir en pleurant quand ce sera la merde. C'est clair ? Et on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Oui, c'est cliché. Non, ça marche pas du tout parce que c'est... c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. C'est-à-dire pas grand-chose, en fait. Alors, pour le coup, ce qui est con... Parce que si il y a bien une œuvre de King qui pourrait bien se porter à la série télé, moi je trouve que c'est Brume, justement. Mais pas comme ça a été fait là. Parce que du coup, tu perds déjà tout l'aspect huis clos de la nouvelle Brume. Parce que tu t'éparpilles en termes de lieux, d'endroits et du nombre de personnages. Et même dans les lieux, t'as plusieurs lieux. C'est-à-dire dans le centre commercial, t'as plusieurs lieux du centre commercial qui sont montrés. Donc, déjà tout l'aspect... huis clos, qui lui était très réussi dans l'adaptation de Darabont, là, est totalement absente. Et c'est dommage, puisqu'on parle de Brume, qui est vraiment peut-être l'un des meilleurs huis clos que King ait pu écrire, quoi. Avec 1408, mais dans un autre registre. Oui, c'est beaucoup plus court, 1408 voilà. Aussi. Les personnages sont inintéressants. Enfin, il y a Shining quand même, aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les personnages sont inintéressants. Pour le coup, c'est pas de la faute des acteurs, parce que je trouve que le casting... même s'il y a du bémol, est globalement pas mauvais. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ça dépend des rôles. Il se trouve que l'acteur principal, je trouve qu'il y a quand même un gros manque de charisme. Ça, on est d'accord. Comment elle s'appelle, la vieille femme religieuse, elle, par contre, je trouve, peut-être, est celle qui s'en sort le mieux de tout le casting. Oui. Oui, elle, clairement, son personnage, j'en suis vraiment pas convaincu, mais non, parce que son mais personnage, par contre, a une évolution beaucoup trop rapide. C'est-à-dire, à partir du moment où elle voit son mari y passer dans la brume, ça y est, elle vrille et Madame Raven, elle s'appelle. Et elle est déjà dans le futur, quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec ce personnage, je ne sais pas. Et globalement, tous les événements vont trop vite, en fait. C'est-à-dire, un personnage est dans une situation... Un événement arrive et paf, t'as l'impression que tout son caractère à designer est modifié en un claquement de doigts, quoi. Tu fais, mais une évolution, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars, en fait. Le personnage du flic, mais il a une évolution mais ultra rapide. Il passe de normal à totalement convaincu et totalement fou avec la vieille dame, quoi. Avec Madame Raven. Oui. Oui, le personnage du flic, c'est... Avec le meilleur ami de la famille, on va devoir y revenir sur celui-là, je trouve que c'est le flic le plus mal écrit. Ouais. Je trouve que c'est les deux catastrophiques, pas pour les mêmes raisons. Le souci du flic, c'est qu'en plus, il change plein de fois de caractère, j'ai l'impression, parce que au début, c'est le flic abusif, en fait, qui fait des clairs abus de pouvoir. Ouais, qui veut lui faire régner la loi à coup de crosse. C'est ça. Après, ça devient un flic convaincu de justice, alors que c'était clairement pas son souci principal dans les premiers épisodes. Non. Ça devient le flic convaincu de justice ensuite. Après, il dérive encore sur effectivement le fou religieux et il a une nouvelle vrille à la fin où il reprend ses sens. Enfin voilà, il change de caractère 4 fois dans la série. Et donc effectivement, c'est particulièrement voyant chez lui que ça va pas. Bah oui, c'est ça. Donc oui, il y a lui qui connaît un... une évolution fulgurante. Il y a du coup oui effectivement le meilleur ami de la famille, mais pour une autre raison. On va le garder pour un peu plus tard lui, parce que c'est un dossier à lui tout seul, toute l'intrigue autour de ça, je trouve. On va garder ça pour plus tard. L'évolution au centre même du centre commercial, c'est pareil, ça évolue à vitesse grand V. Je comprends pas pourquoi. Déjà le vigile, au début il est un peu sympa et puis au bout d'un moment il se met à buter les gens de sang froid comme ça, tu fais mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, oui, oui. Calme-toi doucement. Mais vraiment Le vigile il est même sympa pendant un bon moment en réalité, c'est vraiment sur la fin qu'il vrille. Oui, qu'il vrille, parce qu'à la limite la première personne qui vire du centre commercial, admettons que la réaction soit excessive, mais le mec il avait quand même d'abord sorti des cadavres dans la brume. Et ensuite, il a été responsable nettement de la mort d'une petite fille. C'était un connard, quoi. Oui. Donc, il se fait virer parce qu'il est dangereux. Il n'y avait peut-être pas besoin de le virer, comme le signalent d'autres. Mais c'était à peu près compréhensible et pas non plus follement abusif. Oui. Tandis que ça le deviendra sur les deux derniers épisodes où il part en vrille. Oui, il tue une nana de sang-froid juste parce qu'elle hausse un peu la voix, quoi. Voilà, c'est ça. Tu dis non, mais doucement, quoi. Et puis, il y a le fait que, à aucun moment dans cette série, tu ne sens des ellipses, en fait. Et du coup, t'as l'impression que tout se passe en 3 jours. Mais what? Du coup, tu dis, mais en fait, ça évolue très vite ou il y a eu un ou deux mois entre-temps, on comprend pas. Tout se passe plus ou moins en 3 jours, en fait, oui. Ah ouais, mais... Parce que le dernier épisode, en fait, s'appelle le 10e repas, je crois, en référence au fait que c'est plus ou moins leur 10e repas, donc si on part sur 3 repas par jour, effectivement, ça se passe en 3 jours. Mais je suis d'accord que la temporalité, j'ai été complètement paumé. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des moments où ils sont... les moments où ils sont en extérieur, des fois sur les murs, t'as des tags de gens qui ont genre « Oh, la mort rôde ici !» Tu fais « Mais les gars, c'est la fin du monde depuis 3 ans, comment ça se passe ?» T'as l'impression que c'est un décor de Walking Dead, quoi, sauf que Walking Dead, ça se passe des années après. Après les premiers zombies. Alors que là, la brume vient d'arriver. Tu te dis, mais comment ça? Ce qui inclut une grosse incohérence au niveau de la gestion des ressources, parce que, autant en 3 jours, je me dis, à l'église, ça devrait commencer à craindre grave. Mais dans un centre commercial. Dans une église, tu conserves pas à manger. Dans le centre commercial, ils sont une petite trentaine. Bah oui. Ouais, au bout de 3 jours, je pense que franchement, ils ont de quoi être détente. Hein. Surtout que c'est un centre commercial qui a l'air pas mal grand, donc en général, si c'est comme chez nous, et on sait que c'est comme chez nous, parce que c'est une culture américaine qu'on a apportée chez nous, les centres commerciaux, normalement t'as au moins un énorme carrefour ou une connerie comme ça à l'intérieur, et donc bah t'as de la bouffe, quoi. Ah ouais, et puis il doit y avoir des chambres froides, parce qu'il doit y avoir des restos dans le champ de centre commercial, enfin... Donc il doit y avoir largement de quoi faire. Ah oui, surtout pour... quand oui, il devait être une petite vingtaine, une petite trentaine, quoi. Oui, c'est ça. C'est celui où je comprends le moins tout... tout ce qui tourne autour de la gestion des ressources, pour ceux... Ça me paraît l'endroit où, même au bout de 10-15 jours, normalement, c'est pas le souci premier dans un centre commercial. Mais surtout qu'en plus, très tôt, ils parlent de « il faut qu'on rationne » et tout et tout. Donc tu te dis, bon, là, la situation a l'air d'être sous le contrôle. Et en fait, non. D'accord, ok. Si vous voulez, les gars. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Ah, les effets spéciaux, oui. Ah, surtout la brume. Ouais. C'est autant, on avait dit que justement la brume est vraiment bien faite dans le film de Darabont, autant là, ouais, ça fait mal. Ah là, c'est une vieille brume numérique dégueulasse, quoi, puis ça se voit, quoi. Il y a certains effets gore qui encore rendent pas trop mal à l'écran. Justement, la mort de Madame Carboni, Carmody Carmody, je crois, ouais. Voilà, tu sais, quand tu la revois revenir vers la... vers la porte vitrée, t'as la mâchoire inférieure qui est arrachée, la langue qui pend, tu dis bon, pour une série télé, ça rend pas trop mal, mais globalement, tout est dégueulasse, quoi. L'effet que je trouve beau aussi, c'est les cavaliers de l'apocalypse, ah, que voit le prêtre dans la brume. Ça, je les trouve vraiment bien fait, pour le coup. Oui. Eux, ils avaient de la gueule. Et la symbolique fonctionne. Ouais, elle est très cohérente avec le personnage. Voilà. Ce qui aide pas par rapport au huis clos dont tu parlais, c'est que, bah, comme c'est une série avec pas beaucoup de budget, c'est souvent filmé en gros plan, et donc on n'a pas vraiment d'idée de la spatialisation de tout ce bordel. Dans le centre commercial, j'ai jamais très bien compris où ils sont, en fait, les uns par rapport aux autres. Y a ça, il y a le fait que tout est vide. Ouais. Tu sens le manque de budget. Ouais. C'est-à-dire, y a une micro-scène, à un moment, avec les deux... Avec les deux jeunes un petit peu abrutis, là, qui tiennent le magasin de jeux vidéo. Il y a un moment, il y a une scène où ils sont dans leur magasin de jeux vidéo, tu te dis, mais il n'y a rien en fait dans votre magasin, comment ça se passe? Ils sont là sur un canapé en train de jouer à un jeu devant une télé, et puis t'as rien autour d'eux, tu fais, mais ils sont où les rayonnages? Je sais pas, c'est un magasin ou c'est un salon, comment ça se passe? Alors que ça, s'ils avaient fait que dans le centre commercial en général, bah, ils auraient peut-être pu remplir un peu les rayons. Bah oui. Le manque de budget, ça est flagrant, globalement. Ouais, mais du coup, quand on manque de budget, est-ce que c'est une bonne idée de multiplier les décors? Bah, le bon sens voudrait que non, mais la loi des séries et donc la multiplication des personnages et des lieux pour créer des situations, voilà. Ouais, mais justement, l'avantage dans un grand centre commercial, c'est que tu peux facilement multiplier, tu peux, vu que c'est sur 3 étages avec plein de boutiques, t'aurais pu avoir ces différents clans qui se forment. Ça m'aurait paru traitable, en fait. Oui, et puis à la limite, saison 2, tu changes de lieu, quoi. Oui, oui, voilà. Saison 2, tu vas à l'hôpital, voilà. Il y a une séquence à l'hôpital que je trouve, par exemple, l'idée est bonne, c'est l'exécution qui est pas bonne. Oui. Le fait que l'autre, enfin donc que le personnage principal veuille amener son frère en salle d'opération, sauf que il y a eu un problème et du coup la brume s'est incrustée dans l'hôpital, mais uniquement dans le couloir entre là où il est et la salle d'opération, et donc il faut traverser la brume pour y aller. C'est une bonne idée, mais c'est juste que c'est ultra mal exécuté. Déjà pourquoi? Parce que la situation est ultra prévisible. Parce que le passage où il y va, bah, il se passe rien, donc tu te doutes très bien que bon, bah, il va se passer un truc au retour, et c'est inévitable. Et puis bah, encore une fois, l'ambiance est pas là, la brume est dégueulasse. Bah, et puis là, encore une fois, c'est l'exemple des trucs qui n'ont pas été assez installés, parce que le fait qu'il ait un frère, c'était au mieux évoqué une fois dans le premier épisode, mais on ne l'a jamais vu, donc oui, il est en danger de mort, mais c'est un personnage que je connais pas, donc... Ça me touche quand même pas énormément, tout ce qui le concerne. Et puis, vu que le personnage principal est un petit peu détestable, bon, bah. Enfin, il est pas attachant, donc oui. Pareil, tu t'attaches pas à sa situation. Mais c'est tout de même, je pense, le meilleur épisode, parce que c'est le seul qui se concentre sur un seul lieu, tandis que dans tous les autres, on passe vraiment d'un lieu à l'autre, oui. Et souvent de manière trop rapide, et donc là, vraiment, ça massacre l'ambiance continuellement. Ça. C'est vrai que celui-là se passe. Quasiment intégralement à l'hôpital, ouais. Bah, je crois même qu'il y en a... Vraiment, on voit pas du tout les autres persos. C'est le seul qui est totalement concentré là-dessus. D'accord. Oui, parce qu'il amène plusieurs autres... situations qui vont être vite désamorcées, genre... oh mon dieu, comme par hasard, le soldat à qui j'ai volé l'identité, bah il est là. Il y a quand même beaucoup de hasard dans cette petite ville. Oui. C'est marrant quand même. C'est marrant le nombre. Déjà, c'est marrant le nombre de psychopathes qu'il y a au kilomètre carré chez vous. Au bout d'un moment, moi, ça m'inquiéterait de vivre là-bas. Ils sont tous fous dans cette ville. Ça, à la limite, c'est une adaptation de King. Ouais, mais là, c'est particulier. Ouais. C'est-à-dire, le médecin était fou. Oui, lui aussi, d'ailleurs, ça sort de nulle part. Voilà. À la limite, si. Le retournement, pourquoi pas, qui est plutôt bien amené, j'ai trouvé, c'est « Ah, cet infirmier, c'était pas un infirmier, c'était un mec qui s'est échappé de l'aile psychiatrique, et en fait, il est complètement barjo. » Oui, ça, effectivement. Celui-là est plutôt bien amené, et tu t'y attends pas. Par rapport au médecin, ce qui marche pas, mais c'est encore une fois le manque de budget, c'est... Admettons le cheminement tortueux qui le conduise à vouloir faire des expériences sur les gens pour voir leur contact avec oui, la brume. Admettons, mais pas jour 2, quoi. Bah déjà, oui, il aurait pu attendre quelques jours. Et puis, bah, il a pas d'équipement, quoi. Oui, en plus. Enfin, c'est-à-dire, il a l'air de partir du principe que c'est un truc psychologique, il a même pas, je sais pas, une machine à EEG, n'importe quoi, qui permet de voir un peu ce qui se passe dans la tête. Là, il leur a mis juste une vague seringue, on sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce que tu vas mesurer avec ça, mec, en fait? Il y a ça, il y a ça, il y a le fait que ça soit bah, au jour 2, et que, un petit peu avant, on te dit, ah bah, il y a plein de patients qui disparaissent, bah, depuis que la brume est arrivée, il y a au moins 3 patients qui disent, bah, inquiétez-vous quand même, merde, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Un autre truc qui me dérange, même si j'ai une hésitation, parce que pourquoi pas, mais je trouve que la menace de la brume est pas assez caractérisée. C'est-à-dire que des fois ça va être des créatures horribles, des fois ça va être des apparitions humaines, tu sais, des espèces de fantômes. Ouais. Tu sais pas, c'est très aléatoire en fait, et du coup je trouve ça limite perturbant en fait. Ouais, ce que j'en ai compris c'est que c'est créé par l'esprit des gens. Alors ça, pourquoi pas? Parce que du coup, oui, c'est totalement différent de la nouvelle. Mais effectivement... Bah, en fait, on sent qu'ils avaient un mystère autour de la brume et qu'ils voulaient pas le dévoiler dans la première saison et que donc, ils ont dilué. Mais effectivement, non seulement c'est trop dilué, mais en plus, comme il n'y a pas eu de saison 2, on se retrouve con à l'arrivée parce qu'on n'a pas l'explication. Et voilà. Mais ouais, on sent que la brume... Bah, personne enquête dessus, en plus, au final. Alors que, ça, pour le coup, je veux bien admettre qu'on s'y mette assez tôt. Qu'est-ce que c'est que cette brume? Qu'est-ce que c'est que les bestioles qui sont dedans? Qu'est-ce que c'est, quoi? Mais je suis d'accord qu'elle n'est pas du tout assez caractérisée, au final. D'autant plus que, en fait, on voit énormément de personnages se balader dedans sans avoir de soucis. Bah oui, il y a aussi ça. Donc moi, je ne l'ai pas ressenti comme une menace. Alors que pour le coup, et dans la nouvelle et dans l'adaptation d'Aragon, la brume, c'est limite un personnage en tant que tel. Oui. C'est l'antagoniste principal, il y a une vraie menace qui pèse sur la brume. Oui, dans le film, en fait, tu sors, tu meurs, c'est quasiment instantané. Oui, tandis que là, ça te dit que certaines personnes peuvent sortir dans la brume sans avoir de soucis, c'est le cas notamment d'Alex. Ouais. Mais bah, il y en a plein d'autres qui vont sortir dans la brume, qui vont voir des trucs pas ouf, mais qui vont y échapper sans trop de peine, donc bon, tu te dis, bah, sortez dans la brume, prenez un véhicule, barrez-vous, ça a l'air largement jouable. Et voilà, c'est ça. Ah oui, et t'apprends dans un épisode aussi que la brume a une action sur les véhicules à essence, mais pas sur les véhicules électriques. Donc t'as plein de trucs qui te sont lancés où tu t'as envie de dire pourquoi pas, mais là on sent que vous, c'est pas du mystère bien géré, que c'est juste parce que vous avez envie de faire durer, que vous avez envie de pour créer des situations. D'allonger la sauce. Juste pour créer des situations. Sauf que bah, du coup il y a des scénaristes talentueux qui arrivent. Et il y a ceux qui pédalent dans la smoule, quoi. Tout ce qui est exposition, j'ai trouvé ça assez raté. Le premier épisode, il dure une plombe. Avant que la brume arrive. Oui. Et il y a des flashbacks bah, dans l'épisode de l'hôpital, dans le cinquième, je crois. C'est le seul où il y a des flashbacks et... on s'en fout, quoi. C'est... Enfin, encore une fois, ça, c'est niveau ambiance, c'est nul. Mmh. Ils sont pas particulièrement intéressants parce qu'en plus, effectivement, on s'en fout les persos. Mais bon, voilà. Il y a plein de trucs, moi, qui me font penser à une série des... Non pas des années 70-80, mais où les événements pourraient avoir lieu dans les années 70-80 au niveau mentalité des personnages. C'est-à-dire, il est reproché à la mère de famille d'avoir eu une jeunesse dévergondée. Et alors, en fait, on s'en bat les couilles. Ce qui, pour le coup, je trouve ça maltraité, mais hélas, ça m'étonnerait pas que ce soit totalement crédible comme situation. Hein. Avec le puritanisme américain, oui. Le fait que ce soit une petite communauté, d'accord. Franchement, même en France, dans un petit village, à mon avis, ça, j'y crois à 100%, tu vois. Ouais, plus. Ah ouais, ouais. Ouais, y a pas, pas dans une grande ville, parce que c'est relativement facile d'échapper à son au cadre des gens qu'on connaissait quand on était lycéen, mais dans des bleds où tout le monde se connaît, à mon avis, t'amènes des personnes de 60 ans, suffit qu'elles aient couché avec une ou deux personnes avant le mariage, et elles ont encore ce stigmate-là. Hein. Ouais. Mais oui, c'est plutôt que c'est pas bien traité au final. Est-ce qu'il serait pas temps de parler du personnage du meilleur ami Du personnage d'Adrian. Donc pour ça, il va falloir résumer un peu plusieurs éléments autour des personnages d'Adrian, Alex et Jay dans la série. Donc Adrian, c'est le meilleur ami d'Alex. Il est homosexuel et c'est quelque chose qui est très mal reçu par ses parents qui son père le déteste ouvertement, et sa mère, c'est moins net, mais un peu aussi. Il est même plutôt pansexuel, voire. Enfin, bisexuel, pansexuel. Parce qu'il y a un moment où il dit clairement que garçon ou fille, il s'en fout, en fait. Oui, effectivement, mais... Allez, pendant une bonne partie de la série, il va quand même être plus présenté plus sur genre, l'aspect homosexuel. Oui. C'est effectivement pour ça que je disais ça. À une soirée dans le premier épisode, Alex y va parce qu'il y a son crush du moment qui est le sportif populaire, donc Jay. Et le lendemain, elle se rend compte qu'elle a été violée et Adrian lui dit que c'est Jay qui l'a fait. Parce qu'il l'a vu l'accompagner en haut. Il a vu l'accompagner en haut, etc. Et donc c'est un sujet. Sur toute la série, parce que c'est après que Alex et sa mère soient allés porter plainte donc au commissariat, où en plus il y a le père de Jay, qui est le flic qu'on voit le plus, qu'ils vont se retrouver enfermés au centre commercial, justement, la mère, Alex et Jay, ce qui a créé des tensions. Et Adrian, lui, est avec le père, et on va se rendre compte, après plein d'explorations assez bizarres déjà autour de la sexualité d'Adrian, parce qu'il a une relation avec un homophobe, où t'as le vieux trope de ouais, il est homophobe parce que c'est un homosexuel refoulé. Oui, voilà. Déjà, ce trope, il est quand même. En 2017, je trouve qu'il passe mal. Mm. Surtout que là, c'est vraiment. Il y a une scène où littéralement il tabasse Adrian et deux secondes plus tard, ils sont en train de baiser. Donc. Voilà. Déjà, tout ça, c'est très chaud. Et un peu plus tard, t'apprends que le violeur, en réalité, c'est Adrian par jalousie, parce qu'il voulait pas que Alex s'éloigne de lui. Et donc voilà, c'est très problématique tout ça. Ah oui. C'est quand même... Mais disons que tu fais un personnage qui est censé représenter des minorités, et t'en fais ça, quoi. Quel message t'envoie, quoi. Ouais, c'est... du coup, ça donne raison au père qui disait que son fils était un psychopathe. Ouais, de fait. Parce que le fils est un gros taré. Parce qu'en plus, jusque-là, je me dis, bon, la première fois que j'avais vu la série, parce que moi, du coup, la série, je l'avais déjà vue avant cet épisode, avant qu'on enregistre. Du coup, merci d'avoir pioché ça la dernière fois, j'ai dû resubir The Mist. Oh, de rien, c'est avec plaisir. Mais moi, je me souviens, à mon premier visionnage, je me disais, bon, c'est pas bien, mais un effort est fait sur la représentation. Oui. Et en plus, que ce soit, pour le coup, des sexualités ethniques et physiques. Parce qu'il y a aussi des... même niveau représentation des corps, on n'a pas que des personnages qui sont parfaits dans la série. Et il y a vraiment... Tu te dis, au moins il y a ça. Jusqu'à ce fameux événement où tu te dis, oui, mais en fait, non, quoi. Pourquoi tu fais ça? On sent qu'ils voulaient traiter ce sujet-là, mais ils l'ont très mal fait. S'il y a un message derrière, je sais pas. Pas lequel c'est, parce qu'à la limite, le seul truc qui est un peu clair et qui est un peu intéressant, c'est tout ce qui est autour de l'accusation des victimes. Oui. Parce que c'est, Alex, il y a plein de gens qui vont partir du principe qu'elle ment. Et donc, tout le monde va l'accuser et dire « t'as jamais été violé, tu fais ça juste pour l'attention ». Donc ça, à la limite, c'était intéressant, mais c'est pas non plus des masses exploitées. puis même sa relation à Jay, entre elle et celui qu'elle croit être son violeur, c'est vachement mal géré quand même, je trouve. Disons, c'est super mal ça en plus, quoi. Bah ouais. Parce que normalement, autant pour le spectateur que pour tous ces personnages-là, normalement, c'est encore supposément lui le violeur, quoi. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que ça part d'une sorte d'idée que mystiquement, elle se rend compte que c'est pas lui. Enfin, non. Ou alors, vraiment, serait... pas. Ou alors ils auraient voulu faire une espèce de syndrome de Stockholm, mais dans ce cas-là, c'est également ultra mal amené, quoi. Bah ouais, parce que moi, je l'ai ressenti comme étant filmé de manière presque romantique. Hein, oui, voilà. Donc oui, c'est... Tout est problématique dans... Parce que, mis à part donner raison au délire homophobe habituel, bah tu fais rien d'autre avec ce que tu développes là actuellement, quoi. Ouais. Parce que oui, comme tu l'as dit, tu transformes le personnage en monstre, comme le disait son père, quoi. Parce que clairement, il est amené, tel qu'il est amené dans ce qu'il fait dans les derniers épisodes, où on se rend compte qu'il est encore vivant à la toute fin, ça aurait été le grand méchant, peut-être, d'une éventuelle saison 2 avec l'armée. Oui. Mais, ouais, du coup... Très très maltraité. Je sais pas si c'est juste parce qu'il cherchait de rebondissements autour de ça pour avoir une révélation, une grosse révélation à faire sur le dernier tiers de la série, mais du coup les révélations autour des affaires de viol, bah c'est pas une bonne idée en fait, c'est pas le genre de truc avec lequel faut trop jouer. Non, pas du tout. Donc ouais, c'est... Les 7 premiers épisodes, honnêtement, je me suis dit, c'est nul, mais il y a peut-être des trucs que je peux défendre. Là, quand ça a été là-dedans, j'ai dit « Ah ouais, non, là, ça craint vraiment, en fait. » Ah oui, on est d'accord. Ça craint, et pas que artistiquement, donc voilà. On est d'accord. Ne t'inquiète pas. Vous me le promettez. Quoi ? Que je te promette quoi ? Que quoi qu'il arrive, je ferai toujours partie de votre famille, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Fais un truc vraiment stupide. T'inquiète pas, Adrian. Il est hors de question que je t'abandonne. D'accord ? Je voulais pas me retrouver tout seul. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je voulais pas la perdre. C'est la seule qui m'aime vraiment. Je vous demande pas. Adrian, qu'est-ce que t'as fait? Vous avez dit que je ferais toujours partie de votre famille, quoi qu'il arrive. Vous me faites mal. Bon, on peut parler un peu aussi de tout ce qui est autour de la religion, parce que tu disais que c'était trop rapide, déjà, de la part de Madame Raven, qui effectivement ouvrit la carte très rapidement quand son mari meurt. Bon, ça, à la limite, on peut presque se dire qu'elle était peut-être déjà atteinte avant. Oui, parce qu'elle est un petit peu âgée, tu peux te dire qu'elle a des troubles liés à l'âge ou quoi, mais bon. Mais moi, ce qui m'a plus troublé, c'est que tout le monde dans l'église... la suivent assez rapidement. Oui, enfin, pas tout le monde, mais une bonne partie d'entre eux. Madame Carmody, dans la nouvelle et dans le film de Darabont, j'arrive un peu à y croire, même si je trouve déjà ça trop rapide, qu'elle embrigade tout le monde, parce qu'au final, elle reprend les bases d'une foi qui existe déjà. Elle est sur la foi catholique, pratiquée de manière... Enfin, plutôt protestante, j'imagine, mais pratiquée de manière extrême. Tandis que là, du coup, Raven, elle doit renverser la religion chrétienne en étant dans une église avec un prêtre qui est une figure importante visiblement dans le bled. Elle doit renverser ça pour installer son culte chelou animiste derrière. C'est Gaïa, quoi. Oui, c'est ça. C'est la puissance de Gaïa, la mère nature, parce que c'est comme ça qu'elle le définit, c'est mère nature. Alors elle a de la chance que le prêtre soit un gros nul et qu'il ait son espèce de... d'enfant de cœur chelou avec lui pour dégoûter les gens. Il est bien psychopathe aussi, lui. Hein. Ouais. Il s'appelle Lynx, ça m'a un peu fait rien. Ah bah, il verra plus le soleil. Ouais. J'imagine trouver la Triforce aussi. Donc voilà, ça, j'ai du mal à croire vraiment l'installation d'un nouveau culte de manière aussi rapide en en effaçant un ancien, en fait. Oui. Surtout que tout ce développement, encore une fois, hein, au final, tu dis, bah, à quoi bon, vu que bah, tout ça, c'est rayé de la carte dès la fin de la première saison. Oui, vous calmez. Hein. Puisque, mis à part le flic, qui du coup, lui, connaît sa rédemption, c'est le seul de ce nouvel ordre croyant qui survit. Mais donc, du coup, lui... Bah oui, parce que tous les autres sont tués soit parce qu'ils veulent pas sortir de l'église, soit en cours de route parce qu'ils ont des accidents. Donc, oui. Voilà. Donc tu te dis, mais pourquoi faire tout ça? Alors que pour le coup, vu l'installation, tu te dis, bah, ça aurait mérité d'être encore plus développé dans d'autres saisons, justement. Pourquoi balayer tout ça sur le tapis? Alors, et bon, par contre, pour le coup, je trouve que la mort, et surtout l'iconographie de la mort de Madame Raven, c'est très joli. Tu sais quoi, elle se voit, donc elle voit ce qu'on pense être, du coup, sa fille qui serait décédée enfant. Ah oui, oui, effectivement, oui. Et du coup, elle lui donne le sein et elle serait à côté de l'esprit ouais. de son mari, et donc bah, c'est comme ça qu'elle meurt. Oui, l'image est très jolie. Mais elle se dessèche petit à petit, oui, ça ouais. c'est joli, hein. Effectivement. Ah, c'est... Mais voilà. C'est... Si, si. L'évolution du père de famille. Alors, moi, des personnages qui font tout pour sauver leur famille, je trouve ça normal. Quand tu te dis, mais... C'est moi, je suis fan de Fast and Furious, donc forcément, mais... ça me parle. Mais le personnage qui sauve sa famille, et qui ensuite se dit, bon, bah, maintenant que je les ai sauvés, bah, je vais tuer tout le monde dans ce putain de centre commercial, je me dis, bon, quand même, tu vas un petit peu loin, là, monsieur. C'est-à-dire, le mec fait quand même une marche arrière pour défoncer la porte du centre commercial pour que la brume rentre dans le centre et que tuer tout le monde, quoi. Ah bah, sur les deux derniers épisodes, oui, il se lâche totalement niveau pulsion de violence. Et effectivement, là aussi, le souci, c'est qu'il passe brutalement d'un état assez gentillet à un état de... Bah là, c'est un psychopathe, quoi. De gros taré prêt à tuer tout le monde, ouais. Enfin, je sais pas, moi, je suis dans la voiture avec lui, à ce moment-là, je dis, finalement, je vais peut-être descendre, en fait. Je vais attendre le bus, là-bas. Je vais pas partir avec vous, monsieur. Effectivement, ça veut dire que en fait, à la fin de la saison 1, quasiment tout ce qui a pu être installé est démonté. Ah oui. Il y a le groupe de Raven, il y a du coup le groupe du centre commercial qui n'existe plus. Bah oui. Donc la saison 2 aurait dû repartir... Avec seulement deux groupes. Ouais, et quasiment de zéro, vu qu'on n'a effectivement rien appris sur la brume au passage. Parce qu'il y a du coup, les seuls qui restent, c'est ceux qui sont dans la voiture, ouais. avec le père de famille, et plus les deux autres militaires qui, eux... repartent à la base militaire, justement. Oui, effectivement, oui. C'est tout ce qui reste. Du coup, tu te dis, putain, 10 épisodes pour installer des trucs, pour au final tout jeter. Ouais. C'est pas comme ça qu'on développe une série à suspense et à mystère, quoi. C'est vrai que c'est assez étrange, parce que ça arrive à ne pas avoir de fin, et en même temps avoir fermé presque toutes les portes au moment de venir à la saison 2. C'est ça qui est étonnant. C'est d'autant plus... En fait, c'est d'autant plus étonnant pour une série feuilletonnante un mystère comme ça, qui arrive après, même si toi c'est... Je sais pas si t'as déjà tenté de regarder, mais de toute façon c'est une série qui t'aurait pas intéressé. Une série qui fasse toutes ces bourdes-là après qu'une série comme Lost, qui est quand même révolutionné le genre de la série feuilletonnante à mystère, après ça, tu peux pas faire ça après une série comme Lost, qui elle a posé des nouvelles bases dans ce style-là. Parce que qu'on aime ou pas Lost... Moi, ce que j'en ai vu, je suis vraiment pas fan, mais... Mais qu'on aime ou pas Lost... C'est mieux que ça. C'était une série qui, au moins, te donnait des réponses, de manière régulière, en plus. Oui. Mais, oui, elle te posait des nouvelles questions, mais elle te donnait de manière régulière des réponses, et des réponses qui, majoritairement, tenaient debout. Alors que là, tu n'as rien. Tu fais, mais comment ça? Mais donnez-moi du biscuit, au bout d'un moment. C'est quand même fabuleux. En fait, ça m'aurait moins choqué si c'était une série des années 90, mais là, tu peux pas faire ça après qu'une série comme Lost, qu'une série comme même Fringe, quelques années après, soit sortie, c'est pas possible. Ou alors, faut assumer à fond et avoir l'esprit Twin Peaks. Oui, voilà. C'est-à-dire, j'ai des questions, je suis même pas sûr qu'on comprenne les questions, et les réponses... Voilà. Voilà. c'est de l'autre extrême. Il y a aussi... des trucs régulièrement qui sont un peu amorcés, des évolutions d'intrigue qui sont amorcées et qui ne reviennent jamais par la suite. Notamment, il y a un épisode, je le revois en lisant mes notes, dans l'épisode 6 apparemment, Alex, donc la fille, qui s'est rendu compte que la brume ne l'attaque pas, s'est dit, bah du coup, je peux peut-être sortir et aller chercher de l'aide, aller voir s'il y a d'autres personnes. Je me dis, bon, anticipe, c'est un peu anticipé, fais peut-être d'autres expériences avant de te lancer, mais l'idée est pas complètement débile. On n'en reparlera jamais. Oui. Alors que, ben, oui, effectivement, s'il y a des gens qui peuvent sortir librement dans la brume, pourquoi pas les envoyer tenter d'établir le contact ? C'est plutôt logique, en vrai. Ben oui, totalement. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont balancées, probablement parce qu'ils n'avaient pas le budget pour mettre les gens dans la brume. Il fallait que ça se passe en intérieur. Enfin, dans la brume. Dans leur simili-brume numérique dégueulasse. Ah oui, non, genre révélation, je l'avais oublié tellement ça sort de nulle part, c'est le flic, le père d'Alex. Ah ouais. Parce que oui, c'est le héros qu'on suit, le père de famille, c'est pas le vrai père de... Enfin, c'est pas le père biologique de sa fille. Alors ça, c'est dit au début, dans les premiers épisodes, c'est dit que c'est pas lui le père, mais... Oui, ça, c'est dit... L'identité n'est pas dit. Voilà, mais l'identité n'est pas dit, et finalement, c'est le flic, et... Bah, du coup, quand ça arrive, ça sort de nulle part. Surtout que ça sort à un moment où c'était vraiment... pas le truc à dire, quoi. Ils étaient déjà... c'est au milieu du centre commercial avec tout le monde qui est en train de délirer comme quoi la mère et la fille sont des menteuses et des salopes. Bah du coup, dire « Ah, au fait, mon mari, c'est pas le vrai père, c'est lui, là, le... » T'aurais pu attendre 5 minutes pour la sortir, celle-là. C'est vrai, c'est pas le meilleur moment. Faut savoir choisir son moment. Hein. Donc voilà. Autre truc qui m'a beaucoup déstabilisé, c'est les chansons de fin d'épisode. Ah, j'ai pas... Ouais, j'ai pas tilté plus que ça. Bah, quasiment tous les épisodes se finissent sur une chanson un peu pop, voilà, un peu comme faisait Dr. House. Ouais, qui colle pas du tout, du coup, à l'ambiance, quoi. Ouais, et là, le souci, c'est que, ça, souvent, effectivement, il n'y a pas de vrai rapport. À la limite, il y aura un rapport dans les paroles, dans quelque chose... là, la chanson de fin de l'épisode 10, c'est Just a Perfect Day, qui est une bonne chanson, hein, mais je vois pas le rapport avec ce qui se passe. C'est une chanson sur un mec qui se défonce et qui passe un bon moment. C'est cool pour lui, mais ça n'a pas de rapport avec la brume. Bah, disons qu'à aucun moment ça se passe dans l'épisode, donc... Oui. Donc voilà, ça tient pas beaucoup la route. Non, c'est... Non, effectivement, c'est pas très très bien. Et vraiment, on a dit que ça évoluait, que les personnages évoluaient trop brutalement, mais l'ensemble est plutôt très long, paradoxalement. Ça tarde. Ah oui. Tout dure une plombe. Ah oui, ça prend beaucoup trop son temps. Donc, voilà, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai... Bon, je pense qu'on a pu... Tout ce que j'ai à en dire. Je pense qu'on a, on a fini avec cette série de télé. C'est ça. Vraiment, on la conseille pas. Non, pas du tout. Et nous, on va voir ce qu'on peut présenter en termes de comparaison entre le livre et la série. On y va. Dans ma chanson, il y a de la brume. Il y a des bateaux qui s'en vont. Des bars de nuit, des néons qui s'allument. De la bière et de l'accordéon. Très bien, donc la comparaison va être un peu particulière, comme on l'a dit, parce que les deux œuvres sont très distantes. C'est plutôt pour montrer ce que disait Christian Thorpe sur le rapprochement d'esprit entre la série et la nouvelle. Donc dans le récit de King, nous allons lire à un moment où Madame Carmody, donc l'extrémiste religieuse, commence à faire des sermons très très violents et à parler de sacrifices. Et donc, je laisse Chris lire cette scène. Donc, nous allons lire l'édition de Brume de la collection Livre de Poche, traduite par Michel Pressé et Serge Quadrupani. Voilà, donc, sans doute une traduction qui a été très vite. Je l'avais déjà faite la dernière fois, je crois. Ah merde. Donc, sans doute une traduction qui sent le jus de fruit. Ah, d'accord. Voilà, ça va mieux. Ouais, ça me va. Et nous sommes du coup à la page 199. Le bac de métal émaillé dégageait une odeur désagréable, douceâtre, qui me rappelait le moment où notre congélateur était tombé en panne quand nous passions une semaine au Cap. Peut-être, songeais-je, était-ce l'odeur de la viande pourrissante qui avait poussé M. McVeigh à rejoindre l'équipe de Mme Carmody. Expiation ! C'est à l'expiation que que nous voulons penser maintenant. Nous avons été flagellés par le fouet et les scorpions. Nous avons été punis pour avoir fouillé dans les secrets interdits de tout temps par Dieu. Nous avons vu s'ouvrir les lèvres de la terre. Nous avons vu les obscénités du cauchemar. La roche ne les cachera pas. L'arbre mort ne les abritera pas. Et comment cela prendra-t-il fin? Qu'est-ce qui l'arrêtera? L'expiation! Hurla le bon vieux Miron Lafleur. Expiation! Expiation! Chuchotèrent-ils, incertains. Criez-le-moi, comme vous le pensez! Hurla Madame Carbony. Les veines de son cou saillaient comme des cordages. Sa voix était maintenant éraillée et enrouée, mais toujours pleine d'énergie. Et il m'apparut que c'était la brume qui lui avait conféré ce pouvoir, le pouvoir d'embrumer, si je puis dire, l'esprit humain. Tout comme elle nous avait, à tous les autres, dérobé l'énergie du soleil. Auparavant, elle n'était qu'une vieille femme modérément excentrique, dont le magasin d'antiquité grouillait de vieilleries. Rien qu'une vieille dame dont l'arrière-boutique était pleine d'animaux empaillés et qui avait la réputation, cette sorcière, cette salope, de connaître les remèdes de bonne femme. On disait qu'elle pouvait trouver de l'eau avec une baguette de pommier, qu'elle savait faire disparaître les verrues et qu'elle vendait une crème qui effaçait les taches de rousseur. On m'avait également raconté, n'était-ce pas le vieux Bill Kiosti, qu'on pouvait consulter Madame Carmony en toute confiance sur sa vie amoureuse, qu'en cas de déficience amoureuse, elle vous donnait une boisson qui vous rendait une verge d'acier. « Expiation !» crièrent-ils à l'unisson. « Expiation, c'est ça !» hurla-t-elle en délire. « C'est l'expiation qui chassera cette brume, l'expiation qui nous débarrassera de ces monstres et de ces abominations, l'expiation qui fera tomber les écailles de brume de nos yeux et qui nous fera voir. » Sa voix s'éraillait. « Et qu'est-ce que l'expiation d'après la Bible ? Quel est le seul détergent aux yeux et à l'esprit de Dieu ? Le sang !» Cette fois, le frisson glacé me parcourut tout le corps, me hérissant la nuque. C'était M. McVeigh qui avait prononcé le mot. M. McVeigh, le boucher, qui coupait la viande à Brington, quand j'étais encore un enfant, conduit par la main talentueuse de son père. M. McVeigh qui enregistrait les commandes et coupait la viande dans sa blouse blanche tachée de sang. M. McVeigh, qui avait une vieille habitude du maniement du couteau, oui, et aussi de la scie et du tranchoir. M. McVeigh, qui comprenait mieux que personne que le détergent des âmes coulait des blessures du corps. « Le sang !» chuchotait-il. Voilà. De manière intéressante, moi, j'aurais pensé que le seul détergent admis par Dieu serait plutôt été la lessive Saint-Marc. Oui, pourquoi pas. Blague un peu reprise à mon curé chez les Midistes, hein, rendons à César ce qui est César. Un grand film. Un chef-d'œuvre. Très bien, et donc nous allons passer une scène dans la série où Madame Raven, qui a fidélisé pas mal de monde autour d'elle, surtout que le prêtre est mort dans la brume dans une tentative de démonstration de force, Madame Raven donc dit aussi que l'origine de la brume... Ça va, on t'emmerde pas, Amanda? Alors que le chat fait ses griffes sur son arbre. C'est son droit. On ne va pas l'engueuler vu qu'elle le fait sur son arbre. C'est au moins ça qu'elle a, ouais. Donc, Madame Raven dit que pour faire disparaître la brume, il faut aussi un phénomène d'expiation. Et elle va accuser... c'est peut-être une des seules dans la ville, d'ailleurs, à croire Alex, puisqu'elle va accuser le fils du flic, donc le prétendu, à ce moment-là, violeur d'Alex. L'heure est venue de partir. Je sais maintenant ce qu'elle attend de moi. Quoi ? Connor m'a avoué un terrible secret en privé. Son fils est coupable du viol de la petite Copland. Il était au centre commercial quand la brume est tombée. C'est donc là que nous irons. Pourquoi ? Pour sacrifier ceux qui ne respectent pas l'ordre naturel des choses. Ce n'est qu'après l'élimination de l'infection qu'elle s'en ira d'ici et nous laissera vivre en paix. Dans l'harmonie et le respect de nos voisins. Je comprends pas bien. Vous voulez encore plus de violence ? Ce n'est pas n'importe quelle violence. Mais où est la différence ? Tout acte de destruction est un acte de création. Pourquoi Jay ? Il a violé cette petite. C'est un catalyseur, comme en 1860. Comment vous le savez ? Elle a vu juste pour tout le reste jusqu'ici. Et le dieu de Romanov, il est où, hein ? C'est bon. J'ai trouvé un chemin. Venez avec nous. Ensemble resterons l'ordre. Très bien, voilà, donc le comparatif des deux épisodes, c'est ça. Enfin, des deux scènes, c'est ça. On sent bien que y a pas le même traitement, ne serait-ce que dans le caractère des personnages, puisque Madame Raven est beaucoup plus posée que elle est Carmody. Elle est beaucoup plus calme, même si les actes sont tout aussi violents. Oui, au final, c'est ça, mais elle le fait sans crier, sans avoir le côté un peu de prêcheur exalté de Carmody. Oui, voilà. Mais au final, oui, elle conseille exactement les mêmes horreurs. Ce qui, pour le coup, est potentiellement intéressant comme choix de caractère. Surtout que, comme tu le dis, l'actrice joue plutôt bien. Oui, clairement, oui. Enfin, c'est même, je trouve, moi, l'une des meilleures du casting. Oui. Elle s'en sort très très bien. Bon, c'est une des actrices les plus vétérans, en même temps. Qui a déjà pas mal de trucs prestigieux à son actif, c'est oui. Pour ça. Mais c'est vrai que, du coup, ça donne... pour le coup, c'est un changement plutôt bienvenu. Le changement de ton entre ces deux personnages religieux, qui sont tous les deux dans l'extrémisme religieux même, mais pas de la même manière. Oui. L'une un peu plus posée, c'est pas exactement non plus la même religion, comme tu l'as dit, il y a cette dualité entre le fait du coup de détourner des gens qui sont déjà dans une idéologie religieuse déjà installée, déjà en tant que telle, aux États-Unis depuis des années, des centaines d'années. Enfin, des centaines d'années, pas non plus. Oui, si, quand même. Oui, mais le continent américain, avec ses habitants-là, n'a pas des centaines et des centaines d'années derrière eux. C'est ce que je veux dire. Il n'y avait personne aux États-Unis avant. Personne. Non, mais c'est presque dommage. Enfin, il n'y a pas eu de saison 2. Mais s'il y avait une saison 2, je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied d'abandonner tout ce qui concernait Madame Raven. Oui. Parce qu'au final, Madame Carmody, elle est juste taré et elle aurait tué à peu près n'importe qui en cherchant la moindre excuse. Madame Raven, il y a un peu l'aspect darwinisme social, c'est-à-dire si tu crèves en cours de route, on t'abandonne, mais elle a un peu l'idée de chercher des vrais torts, c'est-à-dire celui à qui elle veut s'attaquer, qu'elle voit comme source de responsabilité, c'est Jay, donc quelqu'un qui, dans sa tête, a violé une fille. Oui. Donc, qui est réellement coupable de quelque chose. Oui. Enfin, non, mais... On se comprend. Non, mais pour le coup, ça aurait pu être un vrai antagoniste. En fait, ça aurait pu être un antagoniste intéressant parce qu'elle aurait pu avoir un côté un peu punisher, version religieuse, où juste elle trouve des gens réellement coupables, mais elle se fait juger bourreau de ces gens-là sans raison pour tenter d'expier des vraies fautes. C'est ça. Surtout si le côté contrôle et connaissance de la brume aurait été plus poussé. Oui, c'est ça. Là, ça aurait pu apporter quelque chose d'intéressant. Si elle, en fait, elle était restée vraiment à tuer juste des personnes réellement coupables de choses, ça aurait soulevé des vrais débats éthiques, pour le coup. Oui. Mais là, non, au final, à partir du moment où elle met le feu à l'église, ça saute un peu quand même, tout ça. Ouais, mais disons qu'avec un vrai développement, tu aurais pu créer une vraie dualité entre, du coup, quelqu'un côté mâle, donc Raven, qui maîtrise un tant soit peu la brume, et tu aurais pu faire l'opposé, quelqu'un côté bien, donc Alex, qui elle aussi, supposément, si ça aurait été développé, a un contrôle sur la brume. Ouais. Donc tu aurais pu créer une dualité qui, pour le coup, est totalement dans l'esprit de King, avec vraiment une dualité entre le bien et le mal. Oui, totalement. Je me demande si ça aurait pas été l'intention, mais plutôt avec Adrian. Possiblement, mais bon, après, pour le coup, Adrien ne voit pas s'il a des prérequis envers la brume. Non, on sait que il a survécu de manière un peu chelou à la fin, quand même. Oui. On sait ça, mais c'est vrai que c'est tout. Et donc, ouais, la série, après, pour dire la fin, ça nous laisse sur un total cliffhanger avec des militaires qui balancent des gens à la brume. Oui. Dans un train. Qui sortent d'un train. Mmh. Imagerie peut-être subtile. Oui. Et ben voilà, on n'aura jamais la suite, à moins que quelqu'un veuille racheter les droits pour faire une saison 2. Ce qui m'étonnerait. Allez-y, bien. Allez-y, tant qu'on n'est pas obligé de la voir. Et malheureusement, on sera obligé. Hélas. On s'arrête là ? On se peut s'arrêter là, je pense qu'il est temps de passer au classement. Bah ouais, classons donc ça. Oh. Très bien, donc au classement, nous n'avons pas à classer la nouvelle. On va juste vous préciser sa place. Où est-ce qu'elle est ? 36e position. En 36e position sur 43 récits. Et pour les films, nous avons actuellement 58 choses de classer. Avec aux 5 premières places, Carrie de Brian de Palma, Chambre 1408 de Michael Astrom, No Smoking danois, Cash Yap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner. Et aux 5 dernières, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et donc, pour la place de la série Brume, bah ça va pas être bien haut. Hein. Non, il n'y a pas besoin de remonter beaucoup au classement. Ouais. Après, du coup, ça... Ça a le désavantage de durer 10 épisodes et donc 6 heures au total, 6-7 heures peut-être. Ouais, 7 heures à peu près, c'est ça. Et il y a vraiment ce... C'est non seulement c'est pas bien, et en plus ça a le même souci que des tours mortels autour de... Oui, avec, thématiques, avec certaines thématiques plus que limites. Ouais, donc moi tous les défauts combinés, ça fait... Que c'est vraiment du bas de classement. Je le mettrais peut-être au-dessus. Peut-être aux alentours du fléau, en fait. Hein, ouais. Peut-être même en dessous hein, du fléau. Peut-être même en dessous du fléau, ouais. Pas de The Mangler 2, quand même. Quoique. Il y a la voiture aquarium au début de Mangler 2. Pas en dessous des Enfants de Salem, parce que ça, c'était vraiment horrible. Ouais, c'était vraiment de la merde. C'était assez atroce, mais ouais, ça me choquerait pas. En dessous de Mangler 2, ça me choque pas. En dessous de Mangler 2. Donc, c'est à 56e place, en réalité, parce que Carrie n'est plus... Enfin, dans celui-là, il n'y a pas encore le dernier épisode, vu que c'est le... Oui. Pour pas spoiler. Donc, ce serait la 56e place... en dessous de The Mangler 2 et au-dessus des Enfants de Salem, ce qui le ferait entrer dans le flop 5, ouais. À la quatrième place du ouais. Flop 5. Le classement de fin se voit chamboulé. Ouais, pour moi, vraiment... En fait, ça combine en même temps tous les défauts de plein de trucs qui sont un peu plus hauts, et donc exponentiellement, ça fait ça. C'est ça. Donc 56e place ? 56e place. Très bien, donc voilà une œuvre avec laquelle, bah, visiblement par rapport à l'avis du public, nous sommes particulièrement sévères, parce que sans être hyper bien notée, elle est quand même bien mieux notée que ça. Mais c'est pas la première fois, notre flop 5 contient pas mal de trucs. Oui, enfin, au moins deux en fait, celui-là et Dr. Sleep. Oui, Dr. Sleep. Les autres un peu moins. Les Enfants de Salem, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se défend pour le coup quand même. Pas déconner. Et The Mangler Reborn, il n'y a personne qui l'a vu. De fait, personne ne le défend. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'une adaptation un peu plus connue et pour parler à nouveau d'un roman aussi. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé, puisque nous allons parler de Running Man. Oui. Donc le livre signé sous le nom de Bachman et l'adaptation avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. C'est la première fois du coup qu'on va parler de Schwarzenegger dans ce podcast. Et a priori la dernière, c'est un mariage qui n'était pas évident. Alors peut-être qu'il jouera Christine dans la prochaine adaptation de Christine. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça rendrait. Mais... Il ferait un bon Cujo. Non, à la limite, ce qu'il pourrait bien faire, et je ne dis pas ça juste par racisme envers les Allemands, c'est une nouvelle adaptation d'un élève doué où il jouerait le vieux. Faut que j'aurais l'élève doué. Il est peut-être un peu âgé pour ça, mais... Il a beaucoup redoublé. Il pourrait jouer un ancien nazi, de fait. Oui. Voilà. C'est, en plus, il a une carrure de militaire, c'est vrai. Schwarzenegger. Rappelons par contre qu'il n'est pas allemand, mais autrichien. C'est du pareil au même. Ça va. Oui. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de Running Man. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste pour toi, @christ... Chris tirait du 6 Lost Tales sur Twitter. Ouais. On a un autre podcast aussi avec Necronomicon qui s'appelle La 9e Dimension sur la bande dessinée de manière générale. Dont le premier épisode est déjà disponible. Ouais, je sais pas où en est le deuxième. Le montage est en cours. À mon avis, à la sortie de cet épisode-là, il sera peut-être pas encore disponible. Je sais plus quand est-ce que celui-là sera disponible. Bah, ça va un peu dépendre de moi, là, donc... La pure théorie, c'est la semaine prochaine, mais ça va être plus compliqué. Il sera peut-être pas encore disponible, du coup, mais le prochain épisode sera sur Spirale, alors que le premier est sur... Basketful of Heads, on s'y perd. Et Spirale de Junji Ito. Voilà. Très bon manga qui plaira aux amateurs d'horreur, en plus. Oui. Voilà. Donc voilà pour le programme, et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.